œuvre complète de Lamartine publiée et inédite. Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en Orient, 1832-1833, ou note d'un voyageur, tome 6e. Paris chez l'auteur, rue de la Ville-l'Évêque, 43. 1861. Markemdanarchive.org licence Creative Commons pas d'usage commercial. Souvenirs, impressions, pensées et paysages. Marseille, 20 mai 1832. Ma mère avait reçu de sa mère au lit de mort une belle Bible de Royaumont dans laquelle elle m'apprenait à lire, quand j'étais petit enfant. Cette Bible avait des gravures de sujets sacrés à toutes les pages. C'était Sarah, c'était Tobie et son ange, c'était Joseph ou Samuel, c'était surtout ces belles scènes patriarcales où la nature solennelle et primitive de l'Orient était mêlée à tous les actes de cette vie simple et merveilleuse des premiers hommes. Quand j'avais bien récité ma leçon et lu à peu près sans faute la demi-page de l'Histoire sainte, ma mère découvrait la gravure, et, tenant le livre ouvert sur ses genoux, me la faisait contempler en me l'expliquant, pour ma récompense. Elle était douée par la nature d'une âme aussi pieuse que tendre, et de l'imagination la plus sensible et la plus colorée. Toutes ses pensées étaient sentiments, tous ses sentiments étaient images. Sa belle et noble et suave figure réfléchissait. Dans sa physionomie rayonnante, tout ce qui brûlait dans son cœur, tout ce qui se peignait dans sa pensée, et le son argentin, affectueux, solennel et passionné de sa voix, ajoutait à tout ce qu'elle disait un accent de force, de charme et d'amour, qui retentit encore en ce moment dans mon oreille, hélas, après 6 ans de silence. La vue de ces gravures, les explications et les commentaires poétiques de ma mère m'inspiraient dès la plus tendre enfance des goûts et des inclinations bibliques. De l'amour des choses au désir de voir les lieux où ces choses s'étaient passées, il n'y avait qu'un pas. Je brûlais donc, dès l'âge de 8 ans, du désir d'aller visiter ces montagnes où Dieu descendait, ces déserts où les anges venaient montrer à Agar la source cachée, pour ranimer son pauvre enfant banni et mourant de soif. Ces fleuves qui sortaient du paradis terrestre, ce ciel où l'on voyait descendre et monter les anges sur l'échelle de Jacob. Ce désir ne s'était jamais éteint en moi, je rêvais toujours, depuis, un voyage en Orient, comme un grand acte de ma vie intérieure. Je construisais éternellement dans ma pensée une vaste et religieuse épopée dont ces beaux lieux seraient la scène principale. Il me semblait aussi que les doutes de l'esprit, que les perplexités religieuses devaient trouver là leur solution et leur apaisement. Enfin, je devais y puiser des couleurs pour mon poème, car la vie pour mon esprit fut toujours un grand poème, comme pour mon cœur elle fut de l'amour. Dieu, amour et poésie, sont les 3 mots que je voudrais seul graver sur ma pierre, si je mérite jamais une pierre. Voilà la source de l'idée qui me chasse maintenant vers les rivages de l'Asie. Voilà pourquoi je suis à Marseille et je prends tant de peine pour quitter un pays que j'aime, où j'ai des amis, où quelques pensées fraternelles me pleureront et me suivront. Marseille, 22 mai. J'ai nolisé un navire de 250 tonneaux, de 19 hommes d'équipage. Le capitaine est un homme excellent. Sa physionomie m'a plu. Il a dans la voix cet accent grave et sincère de la probité ferme et de la conscience nette. Il a de la gravité dans l'expression de la physionomie, et dans le regard ce rayon droit, franc et vif. Symptôme certain d'une résolution prompte, énergique et intelligente. C'est de plus un homme doux, poli et bien élevé. Je l'ai examiné avec le soin que l'on doit naturellement apporter dans le choix d'un homme à qui l'on va confier non seulement sa fortune et sa vie, mais la vie de sa femme et d'un enfant unique, où la vie des trois êtres est concentrée dans une seule. Que Dieu nous garde et nous ramène. Le navire se nomme l'Alceste, le capitaine est Monsieur Blanc, de la Ciotat. L'armateur est un des plus dignes négociants de Marseille, Monsieur Bruno Rostand. Il nous comble de prévenance et de bonté. Il a résidé lui-même longtemps dans le Levant. Homme instruit et capable des emplois les plus éminents, dans sa ville natale sa probité et ses talents lui ont acquis une considération égale à sa fortune. Il en jouit sans ostentation, et, entouré d'une famille charmante, il ne s'occupe qu'à répandre parmi ses enfants les traditions de loyauté et de vertu. Quel pays que celui où l'on trouve de pareilles familles dans toutes les classes de la société, et quelle belle institution que celle de la famille qui protège, conserve, perpétue la même sainteté de mœurs, la même noblesse de sentiments, les mêmes qualités traditionnelles dans la chaumière, dans le comptoir ou dans le château. 25 mai. Marseille nous accueille comme si nous étions des enfants de son beau ciel. C'est un pays de générosité, de cœur et de poésie d'âme. Ils reçoivent les poètes en frères, ils sont poètes eux-mêmes, et j'ai trouvé parmi les hommes du commun de la société, de l'académie, et parmi les jeunes gens qui entrent à peine dans la vie, une foule de caractères et de talents qui sont faits pour honorer non seulement leur patrie, mais la France entière. Le midi et le nord de la France me paraissent, sous ce rapport, bien supérieurs aux provinces centrales. L'imagination languit dans les régions intermédiaires, dans les climats trop tempérés, il lui faut des excès de température. La poésie est fille du soleil ou des frimas éternels. Homère ou Rossian, Le Tasse ou Milton. 30 mai. J'emporterai dans mon cœur une éternelle mémoire de la bienveillance des Marseillais. Il semble qu'ils veuillent augmenter en moi ces angoisses qui serrent le cœur quand on va quitter la patrie sans savoir si on la reverra jamais. Je veux emporter aussi le nom de ces hommes qui m'ont le plus particulièrement accueilli, et dont le souvenir me restera comme la dernière et douce impression du sol natal, Monsieur J. Fraissinet, Monsieur de Montgrand, Messieurs de Villeneuve, Monsieur Van Gavé, Monsieur Autran, Monsieur Dufeu, Monsieur Geoffrey, etc., etc. Tous sommes distingués par une qualité éminente du cœur et de l'esprit. Savant, administrateur, écrivain ou poète. Puissé-je les revoir, et leur payer à mon retour tous ces tributs de reconnaissance et d'amitié qu'il est si doux de devoir et si doux d'acquitter. Voici des vers que j'ai écrits ce matin en me promenant sur la mer, entre les îles de Pomègue et la côte de Provence. C'est un adieu à Marseille, que je quitte avec des sentiments de fils. Il y a aussi quelques strophes qui portent plus avant et plus loin dans mon cœur. Adieu, hommage à l'Académie de Marseille. Si j'abandonne au pli de la voile rapide, ce que m'a fait le ciel de paix et de bonheur, si je confie au flot de l'élément perfide, une femme, un enfant, ces deux parts de mon cœur, si je jette à la mer, au sable, aux nuages, tant de doux avenirs, tant de cœurs palpitants, d'un retour incertain sans avoir d'autre gage qu'un m'a plié par le zotan. Ce n'est pas que de l'or l'ardente soif s'allume, dans un cœur qui s'est fait un plus noble trésor, ni que de son flambeau la gloire me consume de la soif d'un vin non plus fugitif encore. Ce n'est pas qu'en nos jours la fortune du Dante me fasse de l'exil amer manger le sel, ni que des factions la colère inconstante, me brise le seuil paternel. Non, je laisse en pleurant, au flanc d'une vallée, des arbres chargés d'ombre, un champ, une maison, de tièdes souvenirs encore toutes peuplés, comme un regard ami salue à l'horizon. J'ai sous l'abri des bois de paisibles asiles, où ne retentit pas le bruit des factions, où je n'entends, au lieu des tempêtes civiles, que joie et bénédiction. Un vieux père, entouré de nos douces images, y tressaille au bruit sourd du vent dans les créneaux. Et prie, en se levant, le maître des orages, de mesurer la brise à l'aile des vaisseaux, de pieux laboureurs, des serviteurs sans maître, cherchent du pied nos pas absents sur le gazon, et mes chiens au soleil, couchés sous ma fenêtre, hurlent de tendresse à mon nom. J'ai des sœurs qu'elle étale le même sein de femme, rameau qu'au même tronc le vent devait bercer. J'ai des amis dont l'âme est du sang de mon âme, qui lisent dans mon œil et m'entendent penser. J'ai des cœurs inconnus, où la muse m'écoute. Mystérieux amis qui parlent mes vers, invisibles échos répandus sur ma route, pour me renvoyer des concerts. Mais l'âme a des instincts qu'ignore la nature, semblable à l'instinct de ces hardis oiseaux, qui leur fait, pour chercher une autre nourriture, traverser d'un seul vol l'abîme aux grandes eaux. Que vont-ils demander au climat de l'aurore? N'ont-ils pas sous nos toits de la mousse et des nids, et des gerbes du champ que notre soleil dort, l'épi tombé pour leurs petits? Moi, j'ai comme le pain que chaque jour demande, j'ai comme la colline et le fleuve écumeux. De mes humbles désirs la soif n'est pas plus grande, et cependant je pars et je reviens comme eux. Mais, comme eux, vers l'aurore une force m'attire, mais je n'ai pas touché de l'œil et de la main, cette terre de Cham, notre premier empire, dont Dieu pétrit le cœur humain. Je n'ai pas navigué sur l'océan de sable, au branle assoupissant du vaisseau du désert, je n'ai pas étanché ma soif intarissable, le soir, au puits d'Hébron de trois palmiers couverts. Je n'ai pas étendu mon manteau sous les tentes, dormi dans la poussière où Dieu retournait Job, ni la nuit, au doux bruit d'étoiles palpitantes, rêvé les rêves de Jacob. Des sept pages du monde une me reste à lire, je ne sais pas comment l'étoile y tremble aux cieux, sous quel poids de néant la poitrine respire, comment le cœur palpite en approchant des dieux. Je ne sais pas comment, au pied d'une colonne, d'où l'ombre des vieux jours sur le barde descend, l'air parle à l'oreille, où la terre bourdonne, où la brise pleure en passant. Je n'ai pas entendu dans les cèdres antiques, les cris des nations monter et retentir, ni vu du haut Liban les aigles prophétiques, s'abattre, aux doigts de Dieu, sur les palais de Tyr. Je n'ai pas reposé ma tête sur la terre, où Palmyre n'a plus que l'écho de son nom, ni fait sonner au loin, sous mon pied solitaire, l'empire vide de même nom. Je n'ai pas entendu, du fond de ses abîmes, le Jourdain lamentable élever ses sanglots, pleurant avec des pleurs et des cris plus sublimes, que ceux dont Jérémie épouvanta ses flots. Je n'ai pas écouté chanter en moi mon âme, dans la grotte sonore où le barde des rois, sentait au sein des nuits l'hymne à la main de flamme, arracher l'harpe à ses doigts. Et je n'ai pas marché sur des traces divines, dans ce champ où le Christ pleura sous l'olivier. Et je n'ai pas cherché ses pleurs sur les racines, d'où les anges jaloux n'ont pu les essuyer. Et je n'ai pas veillé pendant des nuits sublimes, au jardin où, suant sa sanglante sueur, l'écho de nos douleurs et l'écho de nos crimes, retentirent dans un seul cœur. Et je n'ai pas couché mon front dans la poussière, où le pied du Sauveur en partant s'imprima, et je n'ai pas usé sous mes lèvres la pierre, où, de pleurs embaumés, sa mère l'enferma. Et je n'ai pas frappé ma poitrine profonde, au lieu où, par sa mort conquérant l'avenir, il ouvrit ses deux bras pour embrasser le monde, et se pencha pour le bénir. Voilà pourquoi je pars, voilà pourquoi je joue, quelques restes de jours inutiles ici-bas. Qu'importe sur quel bord le vent d'hiver secoue, l'arbre stérile et sec, et qui n'ombrage pas. L'insensé dit la foule, elle-même insensée. Nous ne trouvons pas tous notre pain en tout lieu. Du barde voyageur le pain, c'est la pensée. Son cœur vit des œuvres de Dieu. Adieu donc, mon vieux père. Adieu, mes sœurs chéries. Adieu, ma maison blanche à l'ombre du noyer. Adieu, mes beaux coursiers oisifs dans mes prairies. Adieu, mon chien fidèle, hélas seul au foyer. Votre image me trouble, et me suit comme l'ombre, de mon bonheur passé, qui veut me retenir. Ah, puisse se lever moins douteuse et moins sombre, l'heure qui doit nous réunir. Et toi, terre livrée à plus de vent et d'onde, que le frêle navire où flotte mon destin, terre qui porte en toi la fortune du monde, adieu, ton bord échappe à mon œil incertain. Puisse un rayon du ciel déchirer le nuage, qui couvre trône et temple, et peuple et liberté, et rallumer plus pur sur ton sacré rivage, ton phare d'immortalité. Et toi, Marseille, assise aux portes de la France, comme pour accueillir ses hôtes dans tes eaux, dont le port sur ses mers, rayonnant d'espérance, s'ouvre comme un nid d'aigle aux ailes des vaisseaux. Où ma main presse encore plus d'une main chérie, où mon pied suspendu s'attache avec amour. Reçois mes derniers vœux en quittant la patrie, mon premier salut au retour. 13 juin. Nous avons été visiter notre navire, notre maison pour tant de mois. Il est distribué en petites cabines où nous avons place pour un hamac et pour une malle. Le capitaine a fait percer de petites fenêtres qui donnent un peu de lumière et d'air aux cabines, que nous pourrons ouvrir lorsque la vague ne sera pas haute, ou que le brick ne se couchera pas sur le flanc. La grande chambre est réservée pour Madame de la Martine et pour Julia. Les femmes de chambre coucheront dans la petite chambre du capitaine, qu'il a bien voulu nous céder. Comme la saison est belle, on mangera sur le pont, sous une tente dressée au pied du grand mât. Le brick est encombré de provisions de tout genre que nécessite un voyage de 2 ans dans des pays sans ressources. Une bibliothèque de 500 volumes, tous choisis dans les livres d'histoire, de poésie ou de voyage, c'est le plus bel ornement de la plus grande chambre. Des faisceaux d'armes sont groupés dans les coins, et j'ai acheté, en outre, un arsenal particulier de fusils, de pistolets et de sabres pour armer nous et nos gens. Les pirates grecs infestent les mers de l'archipel, nous sommes déterminés à combattre à outrance, et à ne les laisser aborder qu'après avoir perdu la vie. J'ai à défendre 2 vies qui me sont plus chères que la mienne. 4 canons sont sur le pont, et l'équipage, qui connaît le sort réservé par les Grecs aux malheureux matelots qu'ils surprennent, est décidé à mourir plutôt que de se rendre à eux. 17 juin 1832. J'emmène avec moi 3 amis. Le premier est un de ces hommes que la Providence attache à nos pas quand elle prévoit que nous aurons besoin d'un appui qui ne fléchisse pas sous le malheur ou sous le péril, Amédée de Parseval. Nous avons été liés dès notre plus tendre jeunesse par une affection qu'aucune époque de notre vie n'a trouvée en défaut. Ma mère l'aimait comme un fils, Je l'ai aimé comme un frère. Toutes les fois que j'ai été frappé d'un coup du sort, je l'ai trouvé là, où je l'ai vu arriver pour en prendre sa part, la part principale, le malheur tout entier, s'il l'avait pu. C'est un cœur qui ne vit que du bonheur ou qui ne souffre que du malheur des autres. Quand j'étais, il y a 15 ans, à Paris, seul, malade, ruiné, désespéré et mourant, il passait les nuits à veiller auprès de ma lampe d'agonie. Quand j'ai perdu quelque être adoré, c'est lui toujours qui est venu me porter le cou pour me l'adoucir. À la mort de ma mère, il arriva auprès de moi aussitôt que la fatale nouvelle, et me conduisit de 200 lieues jusqu'au tombeau où j'allais vainement chercher le suprême adieu qu'elle m'avait adressé, mais que je n'avais pas entendu. Plus tard. Mais mes malheurs ne sont pas finis, et je retrouverai son amitié tant qu'il y aura du désespoir à étancher dans mon cœur, des larmes à mêler aux miennes. Deux hommes bons, spirituels, instruits, deux hommes d'élite, sont arrivés aussi pour nous accompagner dans ce pèlerinage. L'un est Monsieur de Capmas, sous-préfet, privé de sa carrière par la Révolution de Juillet, et qui a préféré les chances précaires d'un avenir pénible et incertain à la conservation de sa place. Un serment aurait répugné à sa loyauté, par là même qui lui semblait intéressé. C'est un de ces hommes qui ne calculent rien devant un scrupule de l'honneur, et chez qui les sympathies politiques ont toute la chaleur et la virginité d'un sentiment. L'autre de nos compagnons est un médecin dont Schott, Monsieur de la Royère. Je l'ai connu chez ma sœur, à l'époque où je méditais ce départ. La pureté de son âme, la grâce originale et naïve de son esprit, l'élévation de ses sentiments politiques et religieux, me frappèrent. Je désirais l'emmener avec moi, bien plus comme ressource morale que comme providence de santé. Je m'en suis félicité depuis. Je mets bien plus de prix à son caractère et à son esprit qu'à ses talents, quoi qu'il en ait de très constaté. Nous causons ensemble de politique bien plus que de médecine. Ses vues et ses idées sur le présent et l'avenir de la France sont larges, et nullement bornées par des affections ou des répugnances de personne. Il sait que la Providence ne fait point exception de parti dans son œuvre, et il voit comme moi, dans la politique humaine, des idées et non pas des noms propres. Sa pensée va au but, sans s'inquiéter par qui ou par où il faut passer, et son esprit n'a aucun préjugé, aucune prévention, pas même ceux de sa foi religieuse, qui est sincère et fervente. Si domestiques, presque tous anciens ou nés dans la maison paternelle, complètent notre équipage. Tous partent avec joie, et mettent à ce voyage un intérêt personnel. Chacun d'eux croit voyager pour lui-même, et brave gaiement les fatigues et les périls que je ne leur ai point dissimulés. En rade, mouillé devant le petit golfe de Montredon, le 10 juillet 1832. Je suis parti. Les flots ont maintenant toute notre destinée. Je ne tiens plus à la terre natale que par la pensée des êtres chéris que j'y laisse encore, par la pensée surtout de mon père et de mes sœurs. Pour m'expliquer à moi-même comment, touchant déjà à la fin de ma jeunesse, à cette époque de la vie où l'homme se retire du monde idéal pour entrer dans le monde des intérêts matériels, j'ai quitté ma belle et paisible existence de Saint-Point, et toutes les innocentes délices du foyer domestique charmé par une femme, embelli par un enfant. Pour m'expliquer, dis-je, à moi-même comment je vogue à présent sur la vaste mer vers des bords et un avenir inconnu, je suis obligé de remonter à la source de toutes mes pensées, et d'y chercher les causes de mes sympathies et de mes goûts voyageurs. C'est que l'imagination a aussi ses besoins et ses passions. Je suis né poète, c'est-à-dire plus ou moins intelligent de cette belle langue que Dieu parle à tous les hommes, mais plus clairement à quelques-uns, par la voix de ses œuvres. Jeune, j'avais entendu ce verbe de la nature, cette parole formée d'images et non de sons, dans les montagnes, dans les forêts, sur les lacs, au bord des abîmes et des torrents de mon pays et des Alpes. J'avais même traduit dans la langue écrite quelques-uns de ces accents qui m'avaient remué, et qui à leur tour remuaient d'autres âmes. Mais ces accents ne me suffisaient plus. J'avais épuisé ce peu de paroles divines que notre terre d'Europe jette à l'homme. J'avais soif d'en entendre d'autres sur des rivages plus sonores et plus éclatants. Mon imagination était amoureuse de la mer, des déserts, des montagnes, des mœurs, et des traces de Dieu dans l'Orient. Toute ma vie l'Orient avait été le rêve de mes jours de ténèbres dans les brumes d'automne et d'hiver de ma vallée natale. Mon corps, comme mon âme, est fils du soleil, il lui faut la lumière, il lui faut ce rayon de vie que cet astre darde, non pas du sein déchiré de nos nuages d'Occident, mais du fond de ce ciel de pourpre qui ressemble à la gueule de la fournaise. Ces rayons qui ne sont pas seulement une lueur, mais qui pleuvent tout chaud, qui calcinent, en tombant, les roches blanches, les dents étincelantes des pics des montagnes, et qui viennent teindre l'océan de rouge, comme un incendie flottant sur ses lames. J'avais besoin de remuer, de pétrir dans mes mains un peu de cette terre qui fut la terre de notre première famille, la terre des prodiges, de voir, de parcourir cette scène évangélique, où se passa le grand drame d'une sagesse divine aux prises avec l'erreur et la perversité humaine, où la vérité morale se fit martyr pour féconder de son sang une civilisation plus parfaite. Et puis j'avais été, presque toujours, chrétien par le cœur et par l'imagination. Ma mère m'avait fait elle, j'avais quelquefois cessé de l'être, dans les jours les moins bons et les moins purs de ma première jeunesse. Le malheur et l'amour, l'amour complet qui purifie tout ce qu'il brûle, m'avaient également repoussé plus tard dans ce premier asile de mes pensées, dans ces consolations du cœur qu'on redemande à ses souvenirs et à ses espérances, quand tout le bruit du cœur tombe au-dedans de nous, quand tout le vide de la vie nous apparaît après une passion éteinte, ou une mort qui ne nous laisse rien à aimer. Ce christianisme de sentiment était redevenu une douce habitude de ma pensée. Je m'étais dit souvent à moi-même, où est la vérité parfaite, évidente, incontestable? Si elle est quelque part, c'est dans le cœur, c'est dans l'évidence sentie, contre laquelle il n'y a pas de raisonnement qui prévale. Mais la vérité de l'esprit n'est complète nulle part, elle est avec Dieu, et non avec nous. Notre œil est trop étroit pour en absorber un seul rayon. Toute vérité, pour nous, n'est que relative. Ce qui sera le plus utile aux hommes sera donc le plus vrai aussi. La doctrine la plus féconde en vertu divine sera donc celle qui contiendra le plus de vérité divine, car ce qui est bon est vrai. Toute ma logique religieuse était là, ma philosophie ne montait pas plus haut, elle m'interdisait les doutes, les dialogues interminables de la raison avec elle-même. Elle me laissait cette religion du cœur, qui s'associe si bien avec tous les sentiments infinis de la vie de l'âme, qui ne résout rien, mais qui apaise tout. 10 juillet, 7 heures du soir. Je me dis, ce pèlerinage, sinon de chrétien, au moins d'homme et de poète, aurait tant plu à ma mère. Son âme était si ardente, et se colorait si vite et si complètement de l'impression des lieux et des choses. C'est elle dont l'âme se serait exaltée devant ce théâtre vide et sacré du grand drame de l'Évangile, de ce drame complet, où la partie humaine et la partie divine de l'humanité jouent chacune leur rôle, l'une crucifiant, l'autre crucifiée. Ce voyage du Fils qu'elle est mettant doit lui sourire encore dans le séjour céleste où je la vois. Elle veillera sur nous, elle se placera comme une seconde providence entre nous et les tempêtes, entre nous et le Simoun, entre nous et l'Arabe du désert. Elle protégera contre tous les périls son fils, sa fille d'adoption, et sa petite fille, ange visible de notre destinée, que nous emmenons avec nous partout. Elle l'aimait tant elle reposait son regard avec une si ineffable tendresse, avec une volupté si pénétrante, sur le visage charmant de cet enfant, la dernière et la plus belle espérance de ses nombreuses générations. Et s'il y a imprudence dans cette entreprise que nous avions souvent rêvée ensemble, elle me la fera pardonner là-haut en faveur des motifs, qui sont amour, poésie et religion. Suite dans cette édition, Pensée en voyage page 92, Athènes page 124, Visite au Pacha page 147, Beyrouth page 169, Visite à Lady Esther Stanhope page 213. Visite à l'émir Béchir et note page 239. Les Drus page 279.